Représentante de l'association Coalia, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi accueillir un volontaire en service civique ? C'est faire le pari qu'avec un projet citoyen, un jeune va acquérir des clés pour sa vie future. Mmh. Ça permet à un jeune de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager dans une mission d'intérêt général, qui d'ailleurs n'est pas forcément reliée à un projet professionnel. Pas besoin de diplôme, juste de la motivation. Très bien. Et pourquoi recruter des volontaires alors ? En fait, pour nous, le service civique, c'est la chance d'accueillir des jeunes de tous les horizons et qui ont envie de s'engager dans une action. On a besoin de cette mixité sociale-là. À chaque fois qu'on accueille un volontaire, on ouvre un peu plus notre association à des idées et des projets innovants, à des nouveaux regards. Ouais. Et toutes les associations peuvent faire appel à ces jeunes ? Les associations, les organismes publics et toutes les structures qui ont un projet d'intérêt général. Merci Marie. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. On en parle. Et si on parlait Renault Service ? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage ? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Je suis chez Lidl, là. Dis quoi encore ? T'as pas la pêche ? Ah, c'est ça. Par contre, ici, ils l'ont. Hein. Aujourd'hui et demain, ils nous font la barquette d'un kilo de pêche Origine France à 1,69€. Hein. Là, le moral en prend un coup. Hein. 1,69€, la barquette d'un kilo de pêche ? Ah, pour le coup, ça vaut le coup ? Ah, si vous faites de la pub pour Lidl, patron ? Ah, là, on est mal. Hein. Ah, on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin Origine France. Sarenza.com. Chez Sarenza, les soldes sont au top. Alors nos clients, comme Sophie, préfèrent prendre quelques précautions. Ça s'écrit comment, Sarenza ? S comme solde sublime, A comme happy mobile au top, R comme retour gratuit pendant 100 jours même pendant les soldes, E comme euphorie totale, N comme Nike, New Balance, Z comme... Comme je les veux. Voilà. Et A comme fashioniste. A-S-A-R-E-N-Z-A. Voilà, comme ça, Sophie ne risque pas d'atterrir sur le mauvais site. Monsieur Logre chez Monsieur Bricolage. Ouh là là, vous avez besoin d'un coup de main. Oui, c'est décidé. J'installe l'eau courante dans ma grotte. Mais ça, c'est une bonne idée. Pour raccorder votre plomberie, je vous propose le tube de 25 mètres PER gainé, diamètre 16 à 12,90€. Idéal pour installer les robinets, douche, baignoire. 12,90€, ça sent bon la super affaire. Alors justement, en parlant d'odeur... Comment ? Rien. Quoi ? Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participants sur monsieurbricolage.fr. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Eh bien, c'est vous qui allez annoncer, Michel Bussy, ce qu'est le prénom de votre héroïne de retour de Corse, 27 ans après l'accident qui a décimé sa famille. Comment s'appelle cette jeune femme ? Clotilde. Eh bien voilà, si vous avez correctement répondu, Michel Bussy, de sa plus belle plume, va vous dédicacer son roman Le Temps est assassin, qui paraît aux presses de la Cité. On a passé un excellent moment avec vous, merci d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. Et donc, bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde, en fait. Merci. Merci beaucoup, Michel. Bonnes vacances, Yves. Aussi. Oui. Ah, ça, bah, oui. Part en vacances. Ça part en vacances. Part c'est en Jérôme vacances. Chapuis qui vous rendra, je l'espère, à l'heure, l'antenne à partir de la semaine prochaine. Une semaine avant tout le monde. Oui. D'accord. C'est une dénonciation immédiate. Il faut connaître qui pour avoir ce traitement, monsieur Calvi ? Il faut faire quoi exactement ? Parce que je peux le faire, moi aussi. Comment ça va ? Il faut juste le décider, en fait, quoi. Hier, il m'a fait de la peine. Il y avait une grande soirée, vous savez, pour les 50 ans. Oui. Il est parti très tôt pour être en forme pour ses auditeurs. Et il a dit, voilà, je dois être parfait demain matin. Donc, il a dit, c'est contraint et forcé qu'à 3h30 du matin, j'arrête de danser. Après mes 3 magnums. Et je rentre chez moi. Et il a, voilà, vous avez raison. Vous voyez, il aurait pu boire 6-7 magnums. Il n'en a bu que 3. Et 9 hamburgers qui étaient servis. Vous avez vu, vous avez mangé les petits hamburgers. Oui, j'en ai mangé des petits hamburgers. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. C'est vrai, mais à quelle heure êtes-vous arrivé ? 23h. Mais attendez, vous parlez de quoi ? Des hamburgers ou des jeunes animateurs de Fun Radio ? C'est vrai qu'il n'y avait plus rien. Quand vous êtes arrivés, vous avez tous été embarqués. Bon, vous savez quoi ? Je vous retrouverai avec bonheur. Et moi aussi. Fin août. Et bonnes vacances, mon Yves. Merci infiniment. Ciao, ciao. Et bonnes vacances à toute l'équipe, bien sûr. Nous sommes en direct. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, il va se passer énormément de choses, car le vendredi, on a les cas inédits, bien sûr. Donc, vous appelez au 3210. Nous allons faire les négociations en direct. Vous allez assister à tout. Ça, c'est la première chose. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé hier, puisque c'est un feuilleton. Mais le vendredi, on revient aussi sur ce qui n'a pas avancé depuis le début de la semaine. Tout ceci doit rentrer en 1h30. Je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir le faire de toute façon. On va démarrer aussi avec un feuilleton qui a été le feuilleton de toute la semaine, puisque, je vous rappelle, et un peu de musique ne nuit pas, que l'histoire de Sébastien était assez extraordinaire. Voilà ce qu'il nous avait dit exactement. J'ai voulu partir à Venise avec ma femme. À l'aéroport de Nantes, on me dit l'avion a 2 heures de retard. Du coup, on va faire des courses avec ma femme. Et en sortant de l'aéroport, qu'est-ce qu'il voit ? Son avion qui a décollé à l'heure. Il va voir la compagnie, et la compagnie n'était autre que... Volotea ! Volotea ! Alors donc, je rappelle quand même que l'histoire est vraie. C'est-à-dire qu'on lui a dit, partez faire vos courses, l'avion ne part pas avant 2 heures. Il a même une attestation qui stipule qu'il pouvait aller, qu'on lui a dit d'aller faire des courses, qu'il le pouvait, et l'avion est parti limite en avance. Donc il l'a vu s'envoler dans le ciel. Il demande remboursement, rien. On a tout essayé pour avoir Volotea, qui est une compagnie espagnole, je crois. Exactement, basée à Barcelone. Impossible de les avoir. Enfin, ça a vraiment été la galère. Et hier, est-ce qu'il est en ligne avec nous, Sébastien ? Oui, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bonjour Sébastien, hier, en plein après-midi, alors qu'il était comme tous les après-midi, je tiens à le préciser, en train de glander, Bernard Sabat reçoit un coup de fil. Oui, Edo Friard, le directeur du développement international de Volotea, m'a appelé sur le portable et m'a dit la chose suivante. Nous avons fait une grosse erreur. Il n'était pas 15 passagers dans le cas de Sébastien, mais 7, mais nous avons tort sur toute la ligne. Nous rembourserons donc les billets d'avion x2, comme c'était prévu, Sébastien et son ami, et on rembourse les nuits d'hôtel à Venise. Avez-vous entendu Sébastien ? Oui, j'ai bien entendu. Merci de votre joie. À très bientôt, Sébastien. Nous sommes ravis de nous. Ça nous fait tellement plaisir de se battre pour vous. Sébastien, merci, mais vous avez raison, il est surpris. On l'a appelé, là, il y a 2 minutes, on a eu la nouvelle. Bonne journée, Sébastien. Merci, Volotea. Merci au patron. Et lui, c'est un bon, parce que c'est lui qui va mettre en place les process pour que ça n'arrive plus. Exactement. Et il est basé en région parisienne, dit-il. D'accord. Donc, tant mieux. Sébastien, bonne journée, bonnes vacances. Merci beaucoup à tous. Au revoir Sébastien. Et encore pardon de vous avoir dérangé. Alors voilà l'affiche de Sébastien. Hop, c'est fini. Le cas est réglé. Maintenant, des cas inédits arrivent. Et alors, quelle équipe aujourd'hui ? Nous allons travailler main dans la main. Elle est seule, mais elle est tout à fait capable de tenir la baraque. Elle l'a déjà fait. Maître Novakovic, avocate pénaliste, est avec nous. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oh, c'était la reine de la soirée hier soir, je vous raconterai. Et puis il y a Bernard et Hervé, les deux négociateurs qui sont là sur RTL. Bonjour Julien. Lançons de l'inédit. Lançons du cas arrivé hier sur le standard RTL. Margot nous a dit ceci. Avant mon mariage, mon alliance, qui m'a coûté 409 euros, était trop petite. Le jour de mon mariage, elle était trop grande. J'ai même dû rajouter 140 euros. Le bijoutier s'est trompé et il n'a pas voulu reconnaître son erreur. Depuis, j'ai mon alliance qui est trop grande, que je ne peux pas mettre, qui est au fond de mon tiroir. Alors essayons de comprendre avec Margot qui est en ligne avec nous en direct sur RTL. Bonjour Margot. Bonjour Julien. Alors Margot, essayons de comprendre les secrets de cette alliance. Vous allez avec votre futur mari choisir des alliances chez un bijoutier. Puisque là, tout est normal, ce n'est pas chez le roi Merlin que vous en auriez trouvé. Le 21 mai, vous allez vous marier. Au mois d'avril, vous décidez de réessayer votre alliance lors des préparatifs et vous réalisez qu'elle est trop petite. Donc en fait, c'est lors du premier essayage. Dans un premier temps, il a pris les mesures du doigt et puis après, il vous l'a livrée. C'est là que vous vous apercevez qu'elle est trop petite. Oui, c'est ça, en fait. La première fois qu'on est allé les chercher, on les a essayés, puis on est reparti avec. Du coup, il n'y a pas de problème spécialement. Et un mois avant, on les réessaye. Et là, je me rends compte que, impossible de la mettre. Mais attendez, vous voulez dire qu'il vous l'a livrée, elle allait bien, et que après, quand vous l'avez réessayée, elle n'allait plus? C'est ça. Et du coup, on a été les chercher le soir quand on les a reçus. Donc, j'ai dû la passer, forcer un petit peu, mais je me suis dit que c'était en fin de journée, le doigt grossissait. Oui. Donc on est reparti avec et puis on était content d'avoir nos alliances, donc on est reparti avec. Et oui. Juste avant le mariage, on a voulu réessayer. Et là, il a fallu que je force pour la mettre, la ressortir. J'ai réessayé un jour après, histoire de me dire c'est peut-être mon doigt qui a gonflé. Et non, impossible de... Vous n'avez pas tenté de faire, quoi que ça n'existe pas, un régime du doigt, peut-être, mais... Non. Non. Alors, votre doigt ne rentre plus dedans. Vous retournez donc au magasin, le vendeur vous explique que les doigts peuvent changer de taille assez rapidement. Bon, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut avoir... Moi, il m'est arrivé, bon, mais ça m'arrive rarement, je ne sais pas vous, Hervé Pouchol. Moi, j'ai un jour le petit doigt qui faisait 37 cm. Et puis, hop, ça s'est revenu rapidement, mais pendant une demi-journée, j'étais assez embêté parce qu'il était énorme, hein, vous savez. On aurait dit, là, comment il s'appelle, là, ceux qui ont les barbes, les films, les X-Men. J'avais un petit peu comme ça. Bon, alors il vous propose donc de changer pour 140 euros. Vous acceptez, donc vous payez en plus, car il est hors de question pour vous de ne pas avoir d'alliance le jour J, ça je le reconnais. Oui. Celle-ci arrive une semaine à peine avant le mariage, et quand vous l'essayez, elle est beaucoup trop grande. Et la raison, lors de la prise de taille, le vendeur aurait pris un baguillet de chevalière. C'est ça. Bien, dis donc. Je me tente de lui parler à ce monsieur. Depuis le 22 mai, vous avez dû ranger votre alliance dans une boîte pour ne pas la perdre. Et donc du coup, le jour du mariage, il vous a mis une alliance beaucoup trop grande, votre mari. Bah, on a quand même voulu la passer pour avoir sur les photos, bah oui. et tout ça. Vous et avez mis deux doigts. Ouais, voilà, j'ai rentré. Mais mon alliance, du coup, va à mon mari. Non si. Bah écoutez, alors échangez, prenez la sienne. Bon, c'est une histoire de fou. Maître Novakovic, on va l'appeler tout de suite. Oui, tout à fait. Déjà, ce qui est vraiment pas très fair-play, c'est que dans un premier temps, donc votre doigt, manifestement, ne correspondait plus. Il vous a fait rajouter quand même 140 euros. Vous oui. avez payé spontanément, alors que commercialement, il aurait dû dire, écoutez, peut-être une erreur de ma part. Voilà, il l'a pas fait. Donc, non content de vous faire payer 140 euros, ça ne va pas, c'est trop grand, il aurait dû tout de suite rectifier le tir, il ne l'a pas fait. Donc bien entendu, on va le contacter, mais sachez qu'il y a des solutions juridiques et procédurales, bien sûr, qu'on vous expliquera plus tard. D'accord. Nous lançons l'appel dans une seconde. Je demande à Hervé Pouchol oui. de bien vouloir maintenant faire tous les numéros, oui, car dans quelques instants, bijoux, ouais. bien sûr, wow. ceux de famille particulièrement, il appuiera sur play et le numéro partira et nous allons négocier avec ce bijoutier. Que s'est-il passé? Est-ce le doigt? Est-ce l'alliance? Qui est responsable? Vous le saurez en écoutant RTL le 9h30, 11h après ceci. Et bon week-end sur RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Les affaires Bricoman ont les pieds sur terre avec le sol intérieur 45,7 par 45,7 cm. Céramé maillé pleine masse, mat, lisse et bord droit. Épaisseur 8 mm 2. Carton de 1,73 m² à 9,90 € le mètre carré, soit 17,13 € le carton. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre en quantité limitée à partir du 1er juillet dans les magasins dépôt. Plus d'infos sur bricoman.fr. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas une douche à l'italienne. Oh non, ça c'est une douche froide. Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 279 euros seulement, la paroi fixe de douche cube, idéale pour douche à l'italienne, avec son verre de sécurité 8 mm transparent et sa barre de stabilisation recoupable. Garantie 5 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Ça y est, on est en juillet. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter les vacances? Des promos qui sentent le soleil, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc à saisir d'urgence. Oh, le soleil, ça me donne envie de partir loin. On peut déjà aller jusqu'au potager, Michel. Jusqu'à demain chez Market, les tomates rondes en grappes sont à 99 centimes le kilo. Alors vous, je vous suivrai jusqu'au bout du jardin. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Catégorie 1, Origine France. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99 euros par mois. Alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Ça vous est déjà arrivé? Vous faites les soldes, vous trouvez le produit dont vous rêviez, et comme par hasard, il n'est pas en promo. C'est rageant, non? Heureusement, chez Saint-Maclou, pendant les soldes, les promos sont sur tout le magasin. Ce week-end, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat. Et oui, 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat sur tous les produits dont vous avez envie. Pendant les soldes Saint-Maclou, tout ce que vous cherchez est en promo. Offre valable du 30 juin au 4 juillet, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Margot, nous appelons tout de suite le bijoutier. C'est parti, une première alliance qui est trop petite. Il arrive à lui dire, et si c'est vrai bien sûr, nous allons vérifier ça avec le bijoutier, il arrive à lui dire, écoutez, c'est votre doigt. Et comme c'est votre doigt, il va falloir payer pour une augmentation de la circonférence de l'alliance. LP, mais là c'est trop grand. On va voir si c'est encore le doigt. Là, cette fois-ci aussi, à un moment donné, on peut partir du principe qu'il y a un petit problème de mesure. Et un problème de poids, parce qu'il nous demande 140 euros, parce que ah, y a plus elle pèse d'or. Un petit peu plus. Vous avez raison de le préciser. Qui a le doigt ? Ah, pas mal ça. Qui a le doigt ? Excellente, je note un point humour pour Bernard Sabat. Non, elle est très très bonne. Et d'ailleurs, puisqu'on est là-dedans... Oui, la bijouterie Carador ? Oui. Bonjour madame, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. Est-ce qu'il est possible d'avoir le responsable, s'il vous plaît madame, de la boutique de Brétigny-sur-Orge ? Ne quittez pas, je vous le passe. C'est très gentil. Alors j'attends un petit peu, le monsieur va arriver. Alors on rappelle que Bernard Sabat pour l'instant prend la tête du hit du rire avec Qui a le doigt de Patrick Bruel. D'ailleurs, saviez-vous, et ça j'ai appris ça hier, c'est pas une blague, que Johnny Hallyday, dans le prochain album qu'il va sortir, devrait rendre un hommage à son acteur préféré qui est Omar Sy. Je ne le savais pas. Ah oui. Ouais. Omar Sy, si tu savais. Voilà. J'égalise donc. Allez, à égalité, on va dire. Alors, évidemment, pour tous les auditeurs, je le dis, c'était le temps que monsieur arrive. C'était bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec Margot Lamont. Bonjour monsieur, je ne sais pas qui c'est. Alors Margot Lamont, c'est une de vos clientes, elle va se présenter. Margot, expliquez à monsieur. Alors oui, bonjour. Bonjour. Je suis venue pour une alliance qui était trop petite il y a quelques mois. On a fait l'échange pour commander une alliance trop grande, et une alliance, et quand je suis venue la chercher, elle était trop grande. Et vous n'avez rien voulu faire par rapport à ce problème. Est-ce que vous vous rappelez de cette dame ? Non, du tout. Ah bon ? Ah ben, ça doit pas être pour ton courant. C'était ce monsieur que vous aviez en ligne, Margot ? J'ai eu le directeur après, oui. Bon, alors voilà, alors, cette dame... Attendez, je vais regarder. J'ai un numéro de facture, si vous voulez. Non, le numéro de facture, ça veut rien me dire, mais l'ami, ça s'écrit... Lamont, L-A-M-O-N. C'était à ce nom, Margot ? Oui. Lamont, ouais. Donc une première bague qui est livrée trop petite, et là vous lui dites c'est votre doigt qui a peut-être changé, donc elle accepte de repayer 140 euros pour avoir une alliance le jour de son mariage, et là, cette fois-ci, la deuxième est beaucoup trop grande, et apparemment on a pris les mesures avec un appareil pour des chevalières. Avec un baguier, oui, bien sûr. Avec un baguier de chevalière. On prend toujours la mesure avec un baguier. Ah, oui, mais de chevalière apparemment, dit-elle. Non, c'est les mêmes ? Non, c'est les mêmes. Ça, c'est adapté à la largeur de l'anneau. Enfin, le doigt n'a pas pu quand même changer à ce point de taille, parce qu'une fois, il était trop gros, et le lendemain, enfin, la deuxième livraison, il était trop petit avec 140 euros. La première commande, le doigt était au doigt 56. On lui a livré un doigt 56, la taille 56. Oui. Ensuite, la personne est revenue, et son doigt était au 61. Oui, mais donc ça... on a recommandé, on a mesuré son doigt, et il était au 61. Mais monsieur, est-ce qu'on peut partir... Oui, j'ai compris tout ça, mais je veux juste vous poser la question. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'on s'est peut-être trompé dans les mesures ? Éventuellement la première fois, mais la deuxième fois, on ne veut pas se tromper. Oui, mais alors si et vous le vous êtes client trompé... est témoin et monsieur, il voit le numéro qui est sur le baguier. J'entends bien, monsieur, mais si vous vous trompez la première fois, pourquoi vous lui demandez 140 euros pour lui refaire faire une bague ? Parce que il n'y a pas eu d'erreur. Nous, au début, on a donc mesuré vous dites, son donc doigt. Vous partez du principe que deux fois la bague ne va pas, mais deux fois, ce n'est pas votre faute. Alors, expliquez-moi comment, si vous avez mesuré le doigt et si vous lui avez fait deux bagues, une fois elle est trop petite, une fois elle est trop grande. Est-ce que le doigt, parce que là, c'est un phénomène scientifique qui peut intéresser tout le monde, est-ce que le doigt change à ce point ? Bien sûr. Ah bon ? Vous pouvez avoir une différence pour la même personne entre le matin et le soir de 3 à 4 numéros. Non, monsieur. De 3 à 4 numéros. Non, mais... Oui, mais alors, si vous refaites la bague et qu'elle est trop grande après, parce que là, elle est trop grande, elle va à son mari, la bague, vous imaginez ? Donc, ça veut dire que le doigt, il a sacrément maigri, là, pour le coup. Là, elle va à son mari, elle peut vous faire la démonstration et venir avec son époux met l'alliance. Est-ce que vous imaginez mais il un l'a peu vu, hein. On lui a fait devant lui. Donc, non, monsieur, mais je suis d'accord qu'elle peut aller à son mari. Les doigts, tout le monde a des doigts différents. Ah bon, alors écoutez, la conclusion de ce dossier, c'est que quand on fait une alliance, elle peut aller à la fois au mari, à l'épouse, le doigt peut faire 40 cm, puis 60. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas. Écoutez, ça vous paraît normal, monsieur, j'essaie de trouver une explication. On prend la mesure. Mais vous avez pu vous tromper dans la mesure. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Je sais bien que vous prenez la mesure. La deuxième fois, il ne peut pas y avoir d'erreur, monsieur. Alors, s'il ne peut pas y avoir d'erreur, pourquoi la bague que vous avez vue et qu'elle a. Parce que les doigts de cette personne change d'une fois sur l'autre. Ah bah alors dans ces cas-là, il faut lui faire faire des foires à cette dame. Il faut qu'on fasse le tour de France. On va lui faire faire incroyable talent. On va lui faire faire la femme qui a les doigts qui changent. Non, monsieur. Si je peux me permettre, bonjour monsieur, maître Novakovic. Écoutez monsieur, on va être très clair. De modifier un doigt à Amy de une taille. J'entends bien, trois tailles, ça me paraît énorme. C'est comme si vous disiez qu'une femme elle prend un pantalon de 36 et le lendemain c'est 44. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, faut pas abuser. Alors on va être très clair, on va être pragmatique. Vous avez une facture que j'ai sous les yeux, une première facture qui a été payée pour un montant de 568,60 €. Dans un second temps, pour agrandir la bague, 140 €. Soyez on peut gentil. Pas agrandir la bague. La bague a été refaite. Bon, alors admettons, peu importe, ça m'est égal. Elle a été refaite. Eh bien, s'il vous plaît. Refaites la bague, cette fois-ci à une taille intermédiaire. On en finit, madame, et on termine, madame, et gratuitement on en finit, cette fois-ci. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le problème, c'est que la personne, quand elle a essayé le doigt 61, elle nous a dit « ça me va très bien ». Et on a enregistré sa commande au doigt 61. On va laisser parler l'auditrice un petit peu, parce qu'il faut qu'aussi elle monsieur ait des arguments. Elle a essayé l'anneau, oui. Elle a constaté que c'était 61, j'ai bien entendu, et elle a monsieur. Validé la commande. Alors, Margot, qu'est-ce que vous voulez dire aux arguments de monsieur? Moi, quand j'ai essayé le baillier, je ne savais pas déjà qu'il y avait une différence de baillier entre un baillier fin et chevalière. Le vendeur, donc ce n'était pas ce monsieur là, mais c'était l'autre vendeur. Moi, quand il m'a fait essayer, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis infirmière, je ne suis pas bijoutière. Je ne sais pas du tout comment ça se calcule. Il suffit que je sois arrivée le matin. Ça ne se calcule pas. On passe un anneau, il y a un numéro sur l'anneau et on valide le numéro. Oui, alors pourquoi quand je suis venue rechercher... Il n'y a pas de calcul, quoi. Écoutez-la. Quand je suis venue rechercher mon alliance, du coup, le mercredi avant mon mariage, la jeune femme qui nous a reçus a bien vu, elle, que c'était trop grand, et elle a dit que mon collègue aurait dû faire la taille entre les deux baguilles. Mais on ne peut pas faire de taille entre deux baguilles. Bon, alors pourquoi? Alors il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, et un autre qui dit ça. Alors, je dois marquer une toute petite pause. On va laisser Hervé, si vous voulez, monsieur et madame, discuter une seconde, et je le reprends pour la suite de la discussion. Rien ne vous sera caché. Vous pouvez réagir au 3210, et peut-être êtes-vous bijoutier, en savez-vous plus, peut-être est-ce que c'est normal. C'est intéressant de savoir ce qui peut se passer avec une alliance. À tout de suite sur RTL. Salut, c'est Vincent. Ça vous dirait de partir à Miami pour un séjour de rêve? En ce moment, à l'occasion du QVC Tour, tentez votre chance en participant au grand jeu de l'été QVC. Rendez-vous avec QVC à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon pour déposer votre bulletin dans l'urne RTL QVC. Informations sur QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. Grincheux chez Monsieur Bricolage. Besoin d'un coup de main? Oui, j'en ai marre. Je suis jamais dans les bons coups. Les bonnes affaires me passent toujours sous le nez. J'ai jamais le temps d'en profiter. Alors, je vais recoller. Bon, alors voilà. En ce moment, profitez de 10% offert en bon d'achat. Hein? Avec votre carte Monsieur Bricolage, dès 60 € d'achat. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oh, mais quel étrange sentiment je ressens là. De la joie, Monsieur Grincheux. Oh, c'est beau. C'est le moment de foncer. Jusqu'au 2 juillet seulement, bénéficiez de 10% offert en bon d'achat dès 60 € d'achat. Conditions et participants sur monsieurbricolage.fr. Je refuse de faire cette radio. Vous voyez ce que vous me faites dire? Ford C-Max avec clim, jantalu, Bluetooth, régulateur de vitesse, pour 199 € par mois, pour un Ford C-Max? Et je suis peut-être un comédien, mais je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. Si, si, le monospace Ford C-Max Trend EcoBoost 125 chevaux et tous ses équipements est bien à 199 € par mois. LOA avec premier loyer de 3 990 €, puis 47 loyers de 199 € par mois, coût total CH à 21 362 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 juillet, si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. Les bons plans au champ, c'est maintenant. La rentrée pour les enfants de Marie, c'est follement excitant. Mais pour Marie, c'est un budget. C'est vrai. Entre ce dont ils ont vraiment besoin et ce qu'ils veulent pour épater les copains... Eh bien Marie, jusqu'au 19 juillet, chez Auchan, rapportez leur ancien cartable et repartez avec un bon de réduction de 10 € à valoir sur la maroquinerie et les fournitures scolaires. Un bon de 10 €? Et votre ancien cartable sera donné à l'entreprise de réinsertion, le relais. Une bonne action et 10 € d'économie? Parfait. Auchan, la vie que j'aime. Voir conditions en magasin. Intersport. Profitez de remises spectaculaires sur vos produits de sport préférés. De vrais soldes sur de vraies marques, c'est chez Intersport. Vrais soldes, vraies marques. Ouverture exceptionnelle le dimanche 3 juillet. Intersport, le sport commence ici. Date selon les articles D310, 15.2 et 15.3 du Code du commerce et sur les articles signalés en magasin hors département 6606 Écorce. Liste des magasins ouverts le dimanche sur intersport.fr. Slip de bain, check. Les grands Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Hervé Pouchol, la conversation a continué entre ce sympathique bijoutier et Margot. Où en est-on, s'il vous plaît ? Écoutez, il a quelque chose à vous dire, Julien. Bonjour, rebonjour, pardon, monsieur de la bijouterie Cardoche. Je suis vraiment navré de vous embêter, mais c'est une jeune mariée. Je suis sûr qu'on a un accord à trouver, qu'il y a eu un petit problème de compréhension. Bien sûr. On va régler le problème, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous, on est une entreprise familiale, on n'est pas là pour non satisfaire le client. Donc, la cliente va passer nous voir, on va valider sa taille. Et puis on va lui recommander une alliance au numéro qu'elle a validé. Voilà, et puis elle va vous rendre d'ailleurs l'ancienne que vous récupériez l'or peut-être. Bien sûr, évidemment. Bon, ça vous va Margot ? Oui, ça me va. Allez, et puis là, vérifiez bien les mesures, que monsieur ne le refera pas une troisième fois, qu'on soit bien d'accord, clair, essayez, réessayez. Et une fois que vous lui avez dit OK, là cette fois-ci on n'y revient plus. Quand on fait essayer un anneau, le client nous dit OK ou pas OK. D'accord, ça marche. Merci monsieur. C'est bon, nous on considère que s'il nous dit c'est bon, on valide la taille. Et bravo à la bijouterie Carador qui se trouve à Brétigny-sur-Orge avec ce monsieur responsable qui n'a qu'une envie, c'est que le client soit satisfait. Bravo monsieur de la bijouterie Carador à Brétigny-sur-Orge. Quelle rue monsieur la bijouterie Carador ? C'est le centre commercial Maisonneuve. Centre commercial Maisonneuve. Écoutez, je suis déjà marié mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il y en a une nouvelle, ça sera pour vous. Oui, une deuxième. Pour un remariage, voilà, pour confirmer mon mariage, je mettrai une deuxième alliance. Ça se fait, ça d'ailleurs, de refaire une alliance quand on confirme son mariage. Il y a des gens qui vous demandent ça. Ah, ça arrive, oui. Et quelle est la bague la plus originale qu'on vous a demandé ? On ne vous a pas demandé des alliances avec une tête de mort ou des choses comme ça. Non, ça, vous ne faites pas ça. Merci, monsieur. Bonne journée, Hervé. Pour terminer, un petit conseil d'un de mes amis bijoutiers qui me dit qu'il est conseillé de prendre cette mesure en fin de journée, moment où votre doigt est le plus chaud, car le foie a tendance à rétrécir le doigt. Ah, d'accord. Vous ne savez pas. Voilà. Le soir, il fait chaud, s'il fait froid, les tailles sont différentes. Donc, plutôt en fin de journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci, Margot. Gros bisous. Bonnes vacances. Merci à vous. Au revoir. Et prenez contact avec lui. N'hésitez pas. Oui, je vais y aller tout de suite. Dans une seconde, une histoire qui s'est passée hier assez hallucinante avec, je le rappelle, un compteur qui aurait pu être trafiqué. C'est de cela dont on va parler. 3210 tout de suite. Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et Maître Novakovic, qui n'a l'air comme ça, pas l'air d'être une grande danseuse, adore, dès qu'il y a de la musique, se trémousser. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous êtes une bonne danseuse. Oui, bien sûr. Et elle va adorer évidemment ce qui sera le tube de l'été, c'est Kong avec This Girl, car toutes les musiques sont sur RTL et c'est pour ça que cette radio est la radio préférée des Français. Bonne journée à tous. Il est sur RTL avec This Girl. Voyons tout ce qui s'est passé lors de la journée porte ouverte hier, car c'est un feuilleton, un cas inédit arrive dans quelques instants. Nous avions l'histoire de François, sa voiture est au garage depuis le 8 avril et figurez-vous qu'elle était là en réparation. Et Maître Novakovic, le garage ferme, mais ferme définitivement avec la voiture à l'intérieur. Bonne nouvelle, Hervé, le liquidateur, nous l'avons eu hier, nous a dit tout va rentrer dans l'ordre, elle devrait avoir sa voiture peut-être semaine prochaine. Oui, il faut simplement envoyer quand même un courrier recommandé au liquidateur. Car elle en avait envoyé un, mais il n'était pas recommandé, donc du coup, le liquidateur pour l'instant gardait la voiture. Ça, toujours un recommandé. Deuxième cas, Laurence a acheté des billets aller-retour pour aller à Héraklion en Grèce pour 1 224 euros. Et malheureusement, le 17 février, elle reçoit un mail, elle est passée par GoVoyage, lui disant que la compagnie a fermé, les vols sont annulés. Et malheureusement, dans ce cas de figure, Bernard Sabat, vous nous l'avez dit, on n'est pas remboursé. Exactement, parce que ce n'est pas dans une formule package avec avion plus hôtel ou avion plus location de voiture. Donc, c'est un vol sec. Et malheureusement, ça rentre dans la liste, évidemment, des dettes auprès du mandataire liquidateur qui a récupéré quand même les éléments de notre auditrice. Et il va voir ce qu'il va faire, mais 5 000 personnes. Il y a très peu de chances, car il y a 5 000 personnes comme ça qui ne seront certainement jamais remboursées. La suite du JT dans une seconde et un nouveau cas, et ce nouveau cas, ça sera celui de Alain, suite au remplacement de sa fosse sceptique. Ah, enfin le retour des fosses sceptiques, des eaux usées. Ça nous manquait. Ah, ça nous manquait, à tout de suite, quel bonheur. En vacances, vous êtes détendu. Oh ouais. Vous êtes insouciant, on peut même dire que vous n'hésitez pas à prendre des risques. Allez, c'est les vacances, on y va. Vous essayez des sports extrêmes. Allez, parachute ou pas, je me lance. Vous osez aborder des filles à qui vous n'auriez jamais adressé la parole. Hey, salut mademoiselle. Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, bah forcément, vous prenez le risque. Allez, ça passe, ça... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit une deuxième fois. La 208 style suréquipée est à partir de 149 euros par mois après un premier loyer de 2100 euros avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Quand Marie a eu l'idée de casser le mur du salon pour faire une cuisine américaine, Hervé s'est dit que la vraie bonne idée, c'est de profiter du festival de juillet Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 29 juin au 10 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros. Magasin participant sur bricomarché.com. Merci d'avoir choisi RTL. Merci d'avoir choisi le 9h30, 11h. L'émission la plus écoutée de France. Toute émission confondue en dehors des infos. Et on ne peut que vous dire merci. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Isn't she lovely? Il est 10h. Ça ne peut être que Céline Landreau pour les infos. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vieilles voitures et motos bannies de la capitale, elles n'ont plus le droit de circuler en semaine entre 8h et 20h. Depuis aujourd'hui, cela concerne les véhicules immatriculés avant 97 ou 99 pour les deux roues. Les conducteurs mécontents manifestent ce matin, place de la Concorde. Ce 1er juillet marque aussi la fin de la distribution des sacs plastiques à usage unique aux caisses des magasins. Quand le prix du gaz augmente, plus 0,4% et les allocations logements sont rabotées pour 80 000 foyers. Le gouvernement va publier aujourd'hui tous les contrôles faits sur les abattoirs. Annonce ce matin sur RTL de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, au lendemain de la diffusion de nouvelles vidéos choc publiées par l'association L214. Moins il y a d'électeurs à la primaire de la droite et plus Nicolas Sarkozy a ses chances. C'est le résultat du baromètre TNS Sofres One Point pour RTL, Le Figaro et LCI. L'ancien président fait quasiment jeu égal avec le maire de Bordeaux auprès de l'électorat de droite, sûr d'aller voter. 36% pour Nicolas Sarkozy, 40% pour Alain Juppé. Mais si on ne prend en compte que les Républicains, là, le président du parti est en tête. 40% contre 34% pour Alain Juppé. Le conseil régional d'Île-de-France va déménager à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, d'ici 3 ans. Sa présidente Valérie Pécresse l'a annoncé ce matin aux élus et salariés. La famille royale britannique dans la Somme, aujourd'hui, pour commémorer le centenaire de la bataille la plus meurtrière de la Grande Guerre. Au total, les pertes sont estimées à 1 200 000 soldats tués, blessés ou disparus. En une seule journée, le 1er juillet 1916, 20 000 avaient perdu la vie. Le Portugal, premier qualifié des demi-finales de l'Euro, qualification décrochée lors de la séance de tir au but pour les coéquipiers de Ronaldo, un partout après les prolongations. Le Portugal affrontera en demi le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Belgique, coup d'envoi ce soir à 21h à Lille. Ce sera à vivre évidemment sur votre antenne RTL Grand Soir d'Euro, c'est dès 20h. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 0,56%. Le CAC 40 s'établissait à 4261 points. Et puis trafic dense sur les routes aujourd'hui, début des départs en vacances. Journée classée orange par Bison Futé, ce sera même rouge en Ile-de-France. La météo, encore beaucoup de nuages sur la moitié nord-ouest du pays aujourd'hui avec des petites pluies au nord de la Loire, des éclaircies franches tout de même en Bretagne cet après-midi. Au sud, du soleil, les températures de 17 à 34 degrés du nord-ouest au sud-ouest, 22 degrés dans la capitale. Un mot des courses à Vincennes et en nocturne pour le Quintet ce soir. Bernard Glass vous propose de jouer le 11, le 13, le 7, l'As, le 18, le 6, le 5 et le 3. 11, 13, 7, As, 18, 6, 5 et 3. Il est 10h03, vous écoutez RTL, ça peut vous arriver. Continue maintenant avec Julien Courbet. Et à tout à l'heure, 11h, bonne journée. À tout à l'heure. Nous allons continuer notre petit tour de ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé cette semaine. Puis un cas, plus un cas inédit de fausse sceptique, hein, j'ai prévenu, donc ne soyez pas surpris lorsqu'il va arriver. Donc on en était où? On a dit que la voiture au garage s'est réglée, le liquidateur va lui rendre. Go Voyage ne pourra sûrement rien faire puisque la compagnie a déposé le bilan et dans ces cas-là on ne rembourse pas les annulations. 5000 dossiers sont en cours. Louis qui signe un devis, il verse 3000 euros d'acompte pour la réparation d'un moteur électrique, oui, pour sa porte de garage. Donc ils viennent, ils prennent le moteur, c'est normal, pour aller le réparer. Ce qui est moins normal, c'est qu'ils ne reviendront jamais. Ils ont gardé le moteur et ils ont pris en plus, alors que c'était pas prévu, les 3000 euros. Nous avons eu un deuxième témoin qui a appelé en nous disant, ben nous c'est pareil pour une serrure, ils nous ont pris grave cher, comme on dit. C'était Alain, et nous essayons d'avoir une société. Et là, on tombe sur la société dont le numéro de téléphone apparaît sur la facture, et on tombe sur une autre société qui nous dit « on n'a rien à voir ». Nous, on a fait que racheter le numéro de téléphone. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait maintenant racheter comme ça des numéros de téléphone. On a quand même le numéro d'un gérant qui est apparemment en justice avec d'autres auditeurs. Vous continuez votre enquête, Sarah, sans rien dévoiler, mais vous avancez petit à petit avec ce monsieur que l'on essaie de joindre, qui est le gérant. Il pourrait nous rappeler, ça serait super sympa, monsieur Fouli Dao. Oui, effectivement, je suis le petit poussé, on peut le dire. J'avance vraiment doucement, mais sûrement. Grâce aux auditeurs, je tiens vraiment à les remercier parce que là, en ce moment, ils m'aident énormément dans mes enquêtes et celle-là en particulier. Bah, dites la vérité, ils font carrément le boulot à votre place. Oui, moi, j'ai poney, désolé, hein, et brushing. Non, mais plus sérieusement, ce qui est dangereux, mais on verra plus tard, c'est que cette personne, restant prudent et prudente, c'est qu'il se trouve, son numéro se trouve sur les petites cartes qu'on distribue dans les boîtes aux lettres. Ouais. Donc, s'il a ce genre de méthode-là, c'est un petit peu douteux. Mais restant prudent, je vous donnerai des informations. D'accord. Dès lundi. Et on espère que monsieur Fouli Dao va pouvoir nous rappeler et on sera sympa avec lui parce qu'il est gentil, monsieur Fouli Dao. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde dit. Sweet, sweet. Fully down. Oh oh, fully down. Sweet, sweet, fully down. Oh oh, fully down. Il a changé la serrure pour 5000. Fully down. Et là, on pourrait faire une vraie chanson parce que je pense qu'il y a quelques cas qui nous permettraient de faire 2-3 couplets. Nous avons également Pierre qui a acheté une voiture, c'était hier ou cette semaine, en tout cas, ça s'est passé, c'est sûr, je ne l'invente pas. Pierre a acheté une voiture il y a 2 ans, 2 800 €. Une semaine après, lors d'un contrôle, le garagiste lui dit que le compteur est trafiqué. Là, c'est grave. L'assurance juridique envoie l'expert qui dit la même chose, Maître Novakovic. Pierre gagne au tribunal 3 000 €. L'huissier a bloqué les 20 cartes grises du garage en attendant qu'il paie. Rien ne bouge. On ne sait même pas si c'est encore ouvert ou pas. Donc, nous avons essayé d'appeler le garage Sud-Auto à Orgon, dans les Bouches-du-Rhône. On a essayé de joindre aussi l'assistance juridique, car c'est vrai que s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, mais dans ces cas-là, il pourrait y avoir une fermeture de la boîte lors d'un procès. Et eux, ils disent on arrête tout, on ne peut pas aller plus loin. Non, mais de toute façon, il faut savoir qu'une entreprise qui cesse les règlements, qui se trouve endettée, est obligée de déposer son bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements. Donc, si le garage ne le fait pas, donc c'est peut-être qu'il n'est pas en cessation des paiements et qu'il y a une mauvaise foi. Si par contre, il est vraiment en cessation des paiements, il est en faute. Donc, la seule solution quand l'huissier n'arrive pas à exécuter, c'est à ce moment-là d'assigner en redressement ou liquidation judiciaire devant de commerce. Exactement. Pour demander effectivement cette liquidation ou redressement. Mais Sylvie, alors, excusez-moi de vous couper, comme vous n'étiez pas là hier, c'est ce qui a été expliqué hier, sauf que son assistant juridique lui dit, nous on arrête là, on ne peut pas aller jusque-là. Alors, l'assistance juridique, elle va jusqu'au bout normalement. Il est obligé d'aller jusqu'au bout, elle peut même les mettre en demeure parce qu'il a payé pour ça, et je pense qu'on peut les appeler pour les brusquer un peu. C'est exactement ce que nous avons fait hier, et hier, nous n'avons pas réussi à avoir la personne de Groupama qui s'occupe de ça. Oui, j'ai attendu 20 minutes au téléphone quand même, et puis au bout d'un moment ça a raccroché, elle s'appelle Karima. C'est la juriste de Groupama. Je l'ai rappelé ce matin. J'attends toujours son appel. On va re-rappeler maintenant parce que ça sert à rien de prendre une assistance juridique si à un moment donné on vous dit on peut plus rien faire. C'est peut-être aussi par manque de compétences. Peut-être qu'il faut peut-être lui expliquer. Expliquer les conséquences parce que si elle peut dire mais ça sert à rien d'assigner, qu'est-ce que ça va rapporter. Alors, mais si c'est une sorte de pression qui fait que l'entreprise va dire oh là là, attention, je ne veux pas déposer le bilan, je préfère payer. On reprend ce dossier dans quelques instants, mesdames et messieurs, avec plusieurs appels et puis on lancera l'histoire de fosse septique. C'est RTL. C'est le 9h30. 11h, c'est du direct et c'est les vacances qui s'approchent. Nous sommes encore là tout au long de la semaine prochaine. Peut-être ne partirez-vous pas. Et en tout cas, RTL sera avec vous et on pense fort à ceux qui ne partent pas. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que l'on croit. RTL, toujours proche de ses auditeurs. Tentons de percer le mystère du compteur trafiqué sur RTL. A tout de suite. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Intersport. Profitez de remises spectaculaires sur vos produits de sport préférés. De vrais soldes sur de vraies marques, c'est chez Intersport. Vrais soldes, vraies marques. Ouverture exceptionnelle le dimanche 3 juillet. Intersport, le sport commence ici. Date selon les articles D310, 15.2 et 15.3 du Code du commerce et sur les articles signalés en magasin hors département 66-06 Écorce. Liste des magasins ouverts le dimanche sur intersport.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Cet été, redécouvrez les légendes du XXe siècle en musique et en bande dessinée. Johnny, Gainsbourg, Nina Simone, Elvis, B.B. King ou bien encore Bob Dylan, illustrés par les plus grands dessinateurs de BD. Une collection de 7 albums à découvrir dès maintenant chez votre marchand de journaux avec RTL. Le jeudi 30 et vendredi 1er juillet, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. La pastèque sans pépins catégorie 1 est au prix imbattable de 99 centimes d'euros la pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 99 centimes la pièce. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pastèque sans pépins catégorie 1 calibre 8, poids minimum 2 kg, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous nous concentrons sur le cas de cette voiture achetée avec un compteur trafiqué. On rappelle que ça peut être du pénal si le vendeur savait, quand il vendait la voiture, qu'elle avait un compteur trafiqué. Bien sûr, Julien, c'est un grave délit, extrêmement réprimé. Et donc, il faut voir s'il y a l'élément, ce qu'on appelle intentionnel, pour savoir si c'était volontaire ou pas. Appel à l'assurance. Pourquoi l'assurance ? Parce qu'on nous dit, prenez des assurances juridiques, nous sommes là pour vous accompagner. Là, ils l'ont accompagné, il faut dire les choses comme elles sont. Sauf que maintenant, il faut vraiment passer à la vitesse au-dessus, l'assurance juridique. Et vous me le confirmez, Pierre, il est en ligne, Pierre ? Pierre ? Malheureusement. Ah ? Malheureusement, Pierre n'est pas en ligne. Il était en ligne, ça a raccroché, je n'arrive plus à l'avoir. Problème de réseau, Julien. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre ? Bon, appelons l'assurance juridique pendant que vous me récupérez, Pierre, s'il vous plaît. Je n'attends pas la Pierre. Elle est très très mauvaise, celle-là. Vous voyez, autant j'ai donné un bon point à Bernard tout à l'heure, celle-ci était peut-être lancée un peu à la hâte. Nous allons appeler l'assurance. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça sonne ? Est-ce que je dois chanter ? Est-ce que je dois aller faire un petit tour ? Ouais. Voilà, ça sonne, me dit-on. C'est au lance-pierre, c'est à l'assurance. Ouais, ça, des fois, on est en fin de semaine. Le standard a besoin de son RTT, un petit peu comme tout le monde. On n'a rien du tout. Il veut pas. On n'a pas de standard. Il veut pas. Il ne veut pas. Est-ce qu'on essaie sur un autre téléphone avant de lancer le plan hors sec qui va faire venir plein de techniciens dans le studio ? Ça vient pas de ça ? Ah, ça y est, ça sonne. Je comprendrai. Il faudra m'expliquer sur mon lit de mort quand même comment ça se passe sur ce standard parce que j'ai toujours pas compris. Mais peu importe. L'essentiel. Bonjour. Bonjour, pourrais-je avoir Karima Boisa, s'il vous plaît ? Oui, vous avez un numéro de dossier ? Oui, j'en ai un. C'est le 201-414-604. Est-ce que ça vous parle, ça ? Pour Monsieur Pierre Rubilota. C'est exactement ça. Oui, je vais vous mettre en relation. Donc, parce qu'en fait, actuellement, au standard, nous prenons les messages et c'est Evaturé ce qui vous rappelle. Oui. Mais je vais vous mettre en relation s'il y avait un juriste référent qui pourrait vous répondre. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Donc, ça serait bien si c'était cette dame-là, parce qu'elle connaît bien le dossier, mais elle n'est peut-être pas là aujourd'hui. En fait, je ne peux pas vous mettre en relation directement, mais je vais vous mettre en relation avec un autre juriste. Qui ne connaît pas le dossier. Si, alors on peut vous répondre concernant le dossier, bien alors, sûr. Ah, super. Merci, madame. C'est très gentil. Un instant. Bon. J'ai pas bien saisi là non plus. On ne peut pas passer les appels, mais en fait, je vais vous passer quelqu'un. Mais pas celui que vous voulez. C'est une surprise. Alors, on va en voir un petit peu plus. J'attends quelques secondes. Ouais. Vous pensez que ça va être long, Hervé Pouchet ? Vous avez le nez pour ça. Oui, non, mais moi j'ai été très patient hier, 20 minutes. Ah, hier, il faut quand même dire à nos amis de Groupama, toujours là pour toi, qu'on a attendu 20 minutes et qu'au bout d'un moment, ça a raccroché. Ouais. Bon, on essaie d'avoir Karima, sinon vous essayez d'avoir un responsable en parallèle. Ça marche. Je vous donne le go pour un responsable et on continue quand même à rester là sur Groupama. Objectif, savoir pourquoi maintenant l'assistance juridique bloque. L'auditeur n'est toujours pas revenu, malheureusement il est toujours bloqué. Non, malheureusement Julien, il n'est pas revenu. Désolé. Alors, lançons une nouvelle histoire. Dans une seconde, l'histoire d'Alain et de la fosse septique, voilà ce qu'Alain nous dira. Cela fait maintenant près de 8 mois que je me bats avec mon assurance. Je devrais être indemnisé pour la perte d'un chien d'élevage suite à un accident regrettable. Depuis, il ne se passe plus rien. À quoi sert-il d'avoir une assurance ? Voilà ce qu'il se demande. Et il a raison de se poser la question. Pierre, c'est pour ça qu'on va traiter ce dossier. 32-10, touche. C'est Alain, pardon. Touche numéro. Qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a rien à gagner. 32-10, aucune touche. Voilà, vous nous appelez, vous nous dites, je veux passer dans l'émission. Non, mais c'est l'histoire de l'Alliance qui m'a complètement perturbé. Je vois. L'histoire du doigt qui se met à grossir. D'ailleurs, j'ai reçu, je n'ai pas honte de le dire, des appels de producteurs, notamment le fameux Marc Dorcel, qui était le roi de la pornographie dans les années 70-80, qui m'a dit, si vraiment cette femme a ce pouvoir avec ses doigts qu'elle m'appelle, j'ai un job pour elle. Oui. Parce que Julien espérait que son organe grossisse. Non, arrêtez. Alain Hazard, rédacteur en chef. L'histoire de la bague, c'est une histoire au nom des doigts de l'homme. Merci beaucoup, Alain Hazard. Vous avez re-signé votre contrat pour l'année prochaine ? Non ? D'accord. Mais vous réfléchissez, vous voyez, du coup, on va réfléchir nous aussi. On va se retrouver après avoir écouté cette révélation. On adore. Et c'est français, figurez-vous. C'est Jane. Elle chante comme pour vous souhaiter le plus bel été sur votre radio RTL. Come on, we love you forever. Jane, c'est une des préférées d'RTL, elle chante comme l'histoire d'Alain. Le remplacement de la fosse sceptique, ça arrive sur RTL à 10h16. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99 euros par mois. Alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl ? Comment ça ? Ah bah oui, le melon quoi. Ah, très drôle. Si on veut. Aujourd'hui et demain, ils font le melon charentais jaune à 1,49€ la pièce. 1,49€ le melon charentais, chez Lidl. Et jaune. C'est ça. Et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ? Oui. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Bon et du coup, je fais comment ? Je sonne à tous les étages et dès que le voisin sort, je lui saute dessus. Donne-moi ta perceuse ! Ah non, mais non, j'ai beaucoup mieux. Tu vas sur Allo Voisin. Maintenant, tu fais ta demande, cherche perceuse pour samedi et voilà, les voisins viennent à toi. Les voisins viennent à moi. C'est ça le coup de maître. Allovoisin.com ? Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com ? C'est très utile, un voisin. Carrefour Market. Alors, vous êtes bon en soustraction, en fraction, mais est-ce que vous êtes bon en réduction ? Absolument, Michel. Jusqu'au 3 juillet chez Market, il y a 50% de remise immédiate sur une sélection de produits de marque. Pas mal comme réduction. Alors, citez-moi un exemple. Eh bien, par exemple, c'est valable sur la bouteille de champagne brut Brico. Alors là, je vous mets 20 sur 20. Carrefour Market. 75 centilitres, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Moi, j'ai eu une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alain, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour Julien. Alors, bonjour à toute la Dream Team. Alain, l'histoire est un peu tristounette. Hein. On va essayer de dédramatiser, mais c'est vrai qu'on a pris votre cas parce qu'on se met à votre place et ça ne doit pas être facile. Car suite au remplacement de votre fosse sceptique, vous la faites contrôler par deux experts le 30 octobre 2015. Et une fois l'inspection terminée, les agents quittent les lieux et ils ne referment pas les trappes. Et un drame va survenir pendant votre absence. Une des chiennes de votre élevage, de l'élevage de votre femme, tombe dans la fosse et se noie. À votre retour, vous découvrez le corps, vous contactez immédiatement la société qui a réalisé le contrôle. Elle reconnaît d'ailleurs par écrit sa responsabilité. Fait rarissime. Donc tout va bien. Enfin, tout va bien pour la suite du dossier, pour la suite juridique. Et la négligence, ils reconnaissent la négligence des agents. Vous informez votre assurance de l'accident, vous lui transmettez le dossier, vous estimez la perte. Alors, comment estimez-vous cette perte entre 20 000 et 30 000 euros, Maître Novakovic ? Oui, en fait, bonjour monsieur. Donc, vous estimez cette perte dans la mesure où vous avez un élevage de chiens, je crois. Hein. Vous deviez effectivement lui faire faire des concours. Voilà, ce sont des chiens de concours, ce sont des chiens de course principalement, parce que ce sont des lévriers. D'accord. Et ce sont des chiens que l'on présente en exposition. Cette chien normalement devait être confirmé assez prochainement avant son décès. Et puis voilà, donc c'est juste une estimation, c'est juste un estimatif. Bon, je sais qu'il y a des barèmes sur la valeur vénale de l'être humain, de l'individu, parce que ces animaux sont quand même reconnus depuis peu et assimilés comme des animaux vivants. Tout à fait, non des objets comme avant. Voilà, non des objets. Voilà, donc après c'est pas trop sur ce fait-là. Le fait que je conteste, c'est que la GMF que j'ai contactée, oui, plusieurs fois par téléphone, dont une fois un recommandé accusé de réception, ne m'a jamais répondu, et personne ne sait où en est mon dossier au jour d'aujourd'hui. On est bien d'accord, Alain, parce qu'il faut être très clair. Moi, je vais les appeler. Vous dites que vous n'avez aucune réponse. Vous n'avez pas eu d'écrit, rien, pas de mail. Un courrier recommandé que j'ai envoyé donc. Ils n'ont pas répondu. Ben ça, c'est bien que vous nous le disiez, parce que si c'est le cas, et je dis bien si c'est le cas, et on vérifiera. Il va falloir que l'assurance explique comment on peut avoir un client à qui on demande des cotisations, comment on peut avoir de belles campagnes de publicité en disant « Venez chez nous, main dans la main, on vous accompagne, jamais de problème, toujours des solutions, des conseillers à votre service. » Et quand après des courriers, des recommandés, personne ne vous répond. Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis en possession d'un courrier de Vallon de Haute-Bretagne qui indique bien sûr qu'ils avaient pleinement conscience de la faute commise, qu'ils demandaient à leur prestataire d'assumer les dommages occasionnés, effectivement. Il a dit ce qu'il fera. C'est la raison pour laquelle ils ont contacté la société SOR, qui a dit qu'il prendra contact avec vous. Ils ont alors, la société SOR a alors déclaré à son assurance... Personne ne sait qui est la société SOR. Justement, c'est le responsable. Ben, le responsable, effectivement. Et elle fait quoi, la société SOR? Et ben, c'est elle qui, malheureusement, a laissé ses services qui ont laissé la porte ouverte, qui ont fait tomber le chien. On va simplifier. Et l'assurance doit assumer. Bien sûr. Doit assumer les conséquences de ces L'assurance de la société qui a laissé la trappe ouverte. Ok, on les appelle dans une seconde et on va faire valoir vos droits. Alain, ne vous inquiétez pas, nous allons nous battre. Pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose sur un autre dossier. C'est le dossier à l'instant donc de la protection juridique, de la protection juridique qui ne va pas jusqu'au bout pour son client qui a acheté une voiture avec un compteur trafiqué. On a appelé hier, on a essayé d'avoir Kerima chez Groupama, au bout de 20 minutes ça a raccroché. J'ai rappelé devant vous il y a quelques instants Hervé, et où en est-on s'il vous plaît Hervé Pouchol? Alors écoutez, il y a du nouveau parce qu'à l'instant madame Boisa vient de me rappeler sur mon portable. Juste à la seconde là. À la seconde, mais donc je peux pas vous la passer directement. J'ai appelé 4 conseillers. Chaque fois que je me présente, on me demande d'attendre une seconde, la seconde se transforme en 10 minutes en général, et là au bout d'un moment ça a coupé. Mais elle me rappelle. Donc alors, ça c'est très bien. On fait un point dans une seconde. Avancer. Nous appelons les assurances pour ce chien malheureusement décédé dans cette fosse septique qui n'a pas été refermée. Apparemment, d'après ce que dit le témoin, absolument aucune réponse. On me dit qu'on peut appeler tout de suite. Faisons-le tout de suite, s'il vous plaît, Sarah. Nous lançons maintenant le numéro de l'assurance. On est bien d'accord que l'on appelle l'assurance de la fosse septique. Exactement. Et l'assurance dit bien dans un courrier, reconnaît sa responsabilité de la responsabilité de son assuré et indique, je vous remercie de me confirmer votre prise en charge pour l'anti-préjudice. Donc, elle l'a comme demandé à la société qu'il a assumé. Donc, aujourd'hui, la GMF bloque pour rien. Il faut absolument, absolument débloquer le dossier aujourd'hui. Et la GMF est l'assurance de la société, je le rappelle, qui a oublié de fermer la fosse. Absolument. Ah non, c'est la vôtre. Oui, c'est la mienne. Voilà, Maître Novakovic, on va donc reprendre. Mais c'est la même. Mais c'est la même pour les deux. Oui. Ah, ben voilà pourquoi. Vous êtes sûr de ça? Il faut vérifier avec eux, mais normalement, en tout cas, c'est eux qui doivent s'occuper du sinistre. D'accord, oui, mais enfin, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ils doivent assumer la responsabilité. La GMF, c'est votre assurance, Alain. Oui, la GMF, c'est mon assurance. Et l'assurance, le courtier d'assurance donc de la SOR, c'est le groupe S2H. Alors, on appelle le groupe S2H et on a le numéro. Parmi les numéros que vous nous avez donnés, je vois très bien, c'est celui qui se trouve à Courcelles. Donc, on change de numéro, s'il vous plaît. C'est celui Sarah, de Julie. Et on appelle le numéro qui se trouve rue de Courcelles maintenant et j'ai un contact. Pardon pour cette confusion, nous allons avancer. Mais il y a beaucoup de dossiers, il faut comprendre aussi qu'on a tellement de numéros, tellement de fiches sous les yeux que parfois on se mélange un peu les pinceaux. Donc, nous appelons maintenant, oui, la SPANC. Bonjour d'abord. Bonjour madame, oui j'allais le dire après, mais je voulais être sûr que c'était bien vous. Je me présente. Un instant, je vous prie. Vous êtes à la CSI Saint-Honoré, monsieur. Oui. Et vous désirez parler à une personne en particulier? À Julie Segantini ou Jessica Boudot. Un instant. Merci beaucoup, madame. Cette dame n'a pas l'habitude qu'on l'amène en bateau. Elle a des règles bien précises. Il faut que ça file droit. Et elle a bien raison. Donc, je rappelle que c'est l'assurance, le courtier, en fait. Nous sommes chez un courtier qui est le courtier... Alexa, mon jeune homme, bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Je vous explique le but de mon appel. Vous êtes courtier d'une société qui est la SPANC, Vallon de Bretagne, qui a commis une petite faute lors d'une intervention, qu'elle a reconnue d'ailleurs par une attestation. Il y a eu la mort d'un chien, bref, il doit y avoir une indemnisation. Et il se passe rien. Et moi, j'ai mon auditeur qui est la personne qui a perdu ce chien, qui est désespéré parce qu'il n'y a aucune nouvelle. Alors, je peux vous donner des références. C'est Julie Segantini ou Jessica Boudot qui s'occupe de ça. D'accord. Et une référence de dossier, s'il vous plaît? Alors, chez vous, je ne sais pas si j'ai la référence. Moi, je l'ai chez son assurance à lui. Alors, le nom du tiers victime, s'il vous plaît. Il s'agit de Alain Faure. F-A-U-R-E, c'est l'élevage des Whippets d'Elwood. C'était dans un élevage. Je vous fais patienter un instant, merci beaucoup. Avec plaisir, madame. C'est c'est moi qui vous remercie. Alors, votre assurance vous vous dit quoi là? Quand vous dites personne ne me répond, c'est de vous parler de votre assurance. Voilà, la GMF, donc c'est le service sinistre que vous avez à Marseille. Et nous appelons maintenant la GMF, puisque votre assureur doit quand même faire les démarches pour vous. Donc vous essayez de passer les barrages, Bernard Sabat, pour avoir la GMF. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. C'est bientôt l'été, vous rêvez de ça. Mais vous avez besoin d'une nouvelle machine à laver, alors vous n'aurez que ça. Avec Cdiscount, vous pouvez avoir les deux. Faites des économies et préparez vos valises. Destination solde chez Cdiscount. Jusqu'à 95% de remise sur plus de 3 millions d'articles. Cdiscount. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Solde du 22 juin au 3 août. Réduction maximale constatée sur une sélection de produits. RTL. Ici Bouvard. Et si vous me téléphoniez au 3210 pour que nous refassions ensemble la France et le monde, nous nous appellerions par nos prénoms respectifs? Ce serait formidable, non? Allô Bouvard, demain, 11h30 sur RTL. Si t'as envie d'un appart, va voir si t'as. Citia est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Ben ouais chérie, sois plus tout seul devant ton ordi. Tata Citia est là et un vaste choix. Partout en France, toutes les 3 minutes, elle loue un appart, mon petit. Citia, envie d'un appart, va voir Citia, ils prendront soin de toi. Citia, envie d'être calé chez toi, en ne perdant pas temps, va voir Citia. Et si on parlait Renault Service? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Carrefour. Maman, regarde, c'est l'opération au top de ma beauté chez Carrefour. Il y a plein de promos. Mais oui, j'ai vu ça. Il y en a tellement que j'arrive pas à me décider. Ben, moi, je te conseillerais de prendre le gel douche Sanex. En plus, jusqu'au 11 juillet, il y a 40% de remise immédiate dessus. Ah, oh, j'aime bien quand tu prends soin de moi et de mon budget. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Profitez par exemple de 40% de remise immédiate sur le gel douche Sanex. 2x750 ml. Carrefour. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron, si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dans la dernière demi-heure, vous le savez, c'est le Money Time. Ça arrive de tous les côtés. Une alerte sur le cas de Pierre qui a acheté une voiture il y a 2 ans. Une semaine après, lors d'un contrôle, le garagiste lui dit que le compteur est trafiqué. L'assurance juridique envoie l'expert qui conclut la même chose. Pierre gagne au tribunal. En octobre, le garage doit lui verser 3000 euros. L'huissier a bloqué 20 cartes grises en attendant qu'il paie. Rien ne bouge et il faudrait maintenant faire fermer le garage, ou en tout cas utiliser cette pression pour pouvoir avoir le remboursement. Et l'assistance juridique, d'après ce que dit Pierre, dit-nous on arrête là. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on a essayé de les joindre hier. Et au bout de 20 minutes, ça a raccroché et qu'on a réessayé ce matin. Et là, j'ai le responsable juridique de Groupama, M. Benesch, qui est en ligne, Julien. Bonjour M. Benesch, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour. Et merci de nous parler. Pierre, votre client est en ligne aussi. Pierre, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, donc il y a le responsable. Donc Pierre semble nous dire, monsieur, que dans cette affaire dont vous avez peut-être eu les numéros de dossier ou pas, aujourd'hui l'assistance juridique dit on a fait tout ce qu'on pouvait, mais ne lance pas la fameuse, comment s'appelle la procédure, Maître Novakovic, pour demander à la boîte de fermer. Ah ben la procédure en fait, vous devez, pour faire pression sur la partie adverse, lancer une procédure d'assignation en redressement ou liquidation judiciaire. En faisant effectivement cette procédure, alors, la personne... Voilà, mais c'est pour ça, ils l'ont pas fait. Oui, alors, ils m'ont appelé hier, ils m'ont dit qu'ils le faisaient finalement. Ah, ils m'ont dit qu'ils reprenaient, ils m'ont appelé hier après votre coup de fil. Déjà, suite à l'émission, mais je ne savais pas. Ben voilà, parce que hier on a essayé de les joindre le matin. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour reprendre le dossier et les mettre en liquidation judiciaire. Eh bien alors c'est parfait monsieur, vous voyez, on vous a dirigé pour rien. Mais le problème c'est que personne... C'est grâce à vous, hein. Oui, oui, non, mais Pierre, ça on s'en moque. Non, je parlais au monsieur de Groupama. Ah, comme personne ne nous a répondu hier et ce matin, on ne savait pas qu'entre-temps, suite à notre appel d'hier, vous aviez lancé la machine. Eh bien, aussi, merci, monsieur. Il y a un élément aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi porté plainte après la conclusion de l'expert au commissariat de Manosque. Oui. Et là, j'ai écrit au procureur pour savoir où ça en était. Il m'a répondu 2 ans après, il m'a dit que le dossier était en cours et que c'est le commissariat de Salon qui s'en occupe. Parfait. Mais voilà. Mais d'accord. J'ai pas eu de... Monsieur de l'assurance veut parler, c'est bien normal. La parole lui est donnée maintenant en direct. Oui, merci, oui. Je vous en prie. La particularité du dossier de notre assuré, c'est que malheureusement... Monsieur, pas de haut-parleur, s'il vous plaît. Si vous pouviez parler dans l'appareil, on n'entend oui. rien de... Allô ? Merci beaucoup, parfait. Oui, c'est mieux comme ça. Ah, c'est parfait. Voilà, oui, la particularité du dossier de notre assuré, c'est que malheureusement, on se trouvait face à un adversaire qui ne donnait aucun signe de vie. Oui. Et donc, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, on a essayé de faire exécuter la décision. Tout à fait. Malheureusement, la personne avait organisé son insolvabilité avec des comptes bancaires à l'étranger. Des cartes grises de véhicules saisies, mais qui ne donnaient rien. Et donc, effectivement, un avocat avait déjà été saisi du dossier, hein, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une décision favorable avait été obtenue par son intermédiaire. Mais Monsieur Pénèche, avec tout le respect que je vous dois, tout ça, on l'a dit hier et on a dit que l'assistance juridique avait fait énormément oui, de choses. Sauf qu'à un moment donné, d'après ce que nous disait l'auditeur, vous avez dit bon ben là, on arrête, on peut plus rien faire. Oui. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, donc effectivement, c'est une entreprise qui n'a aucun compte bancaire en France. Oui. Il n'y a en fait qu'une adresse postale dans un bâtiment sans garage, etc. Voyez-vous, donc c'est une entreprise un peu fictive finalement. Ce qui fait que même une assignation en redressement judiciaire ne va pas forcément aider notre assuré à récupérer d'accord. les fonds qui lui sont dus, voyez-vous. D'accord. Après, toute la question, c'est de savoir jusqu'où on pousse les procédures lorsque l'on sait que malheureusement, même à leur échéance, oui, on n'est pas certain. Ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez bien lui faire plaisir, mais ça sert à rien de lui faire miroiter des choses qu'il n'aura pas et ça serait une perte de temps pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Je ne suis malheureusement pas certain pour notre assuré que cette action en redressement judiciaire de cette société lui permette de récupérer ses fonds. Maître Novakovic, en revanche, je pense qu'il a bien fait de déposer plainte puisque c'est également ce qu'on a évoqué avec lui hier, puisque là, ça peut être effectivement de nature à faire bouger d'accord. davantage le tiers. Oui, tout à fait. Alors, le fait de lancer une procédure en redressement en liquidation judiciaire, vous dites on ne sait pas, effectivement on ne sait pas, donc il faut aller jusqu'au bout des procédures pour ne rien regretter, ça c'est une première observation. Et puis sur le plan pénal, il pourra aussi de réclamer une indemnisation. Est-ce qu'on a hors antenne le nom du gérant? Parce que nous on ne l'a pas. Pardon? Ah, on est branché sur une autre ligne, j'ai entendu. Allô, oui, est-ce que monsieur vous l'avez, vous pourriez nous le donner hors antenne, le nom du gérant de la société? Oui. Hein, merci, oui. Mais hors antenne, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, ben merci et on se tient au courant sur Groupama qui va mener cette action. On fait comme ça, Pierre ? Ok, d'accord. C'est allez, d'accord. Vous me tenez au courant. Merci à Groupama d'accord. de nous avoir répondu ce matin. On va essayer quand même d'avoir le nom de cette personne pour lui lancer un appel amical afin de qu'il comprenne qu'il y a eu un procès qui a été gagné, une voiture vendue avec un compteur trafiqué. 3000 euros doivent être versés. Peut-être que ce monsieur peut faire un échéancier. On peut peut-être essayer à l'ancienne de trouver un petit accord. Nous allons parler maintenant du cas d'Alain qui est déjà passé il y a quelques instants avec son remplacement de fosse septique. Ils ont oublié de la refermer, un chien d'élevage est tombé dedans et malheureusement il n'y a aucune indemnisation. Donc, où en sommes-nous s'il vous plaît, Bernard Sabat ? Voilà, pendant le cas que vous traitiez précédemment, vous m'avez demandé d'appeler la GMF que je voulais vous passer en direct. On rappelle que la GMF c'est l'assureur de l'auditeur. Exactement. Alors la position est claire de la GMF, mais ils ne peuvent pas le dire, mais ils me l'ont transmis et maître Novakovic vient de donner l'explication. Ils ont lancé une garantie défense pénale et recours contre évidemment les gens qui ont fait cet assainissement de la fosse et qui ont commis cet impair avec le chien malheureusement. Aujourd'hui, la procédure est en cours. Ils ne peuvent pas donner plus d'informations à notre auditeur. D'accord. Et voilà leur position. Elle est claire. Donc ça veut dire que l'assurance ne peut pas, même en antenne, expliquer à son auditeur où en est le dossier. Alors, ce qu'ils m'ont dit, Julien, pour être honnête. L'auditeur est au courant de beaucoup de choses, en l'occurrence que comme la somme est entre 20 000 et 30 000 euros, l'enjeu financier est important par rapport à l'autre assurance, on part évidemment en négociation ou au tribunal. Donc on en est là, ça fait 8 mois, c'est beaucoup, mais voilà la situation. Non, parce que Alain, il faut qu'on soit bien clair. Alain, m'entendez-vous ? Oui, oui, je suis là. Oui. Est-ce que la GMF vous a dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on négocie mais vous n'aurez pas autant, ou est-ce qu'on va au tribunal ? Est-ce que vous avez eu ce... Il n'y a jamais eu de courrier. Vous avez un courrier recommandé que je leur ai fait, je crois, au mois de février ou mars, je crois. Courrier est resté sans moi, réponse. J'aimerais bien quand même que les gens de la GMF, parce que là, il y a une accusation grave qui est faite, voilà. Puisqu'il dit qu'ils ne me donnent aucune nouvelle. Voilà. Et c'est pas ce qu'ils vous ont dit. Moi, je m'étais permis d'appeler Mme Julie Segantini au téléphone. qui m'a confirmé au mois de mars qu'elle n'avait rien reçu, aucun document de la GMF. Donc il n'y a pas eu de transmission de dossier. Donc Julie Segantini, c'est l'assurance adverse le courtier. Et voilà, donc c'est pas du tout. Vous voyez qu'il y a deux versions contradictoires. C'est pour ça que c'est important que je vous rapporte ces propos-là. Donc, je relance. Elle n'a pas souhaité parler à l'antenne. Un appel, s'il vous plaît, au président, à M. Thierry Derez ou à son directeur général Laurent Tolli. On n'est pas là pour vous embêter. Vous faites votre boulot, bien évidemment. Mais j'ai quand même un auditeur qui dit mon assurance ne fait rien. Et quand on vous appelle, vous nous dites on ne parle pas à l'antenne parce que c'est en procédure, parce que si, parce que là. Mais l'auditeur dit je ne suis au courant de rien. J'envoie des recommandés, ils ne me répondent même pas. Ça vaut peut-être le coup, copains de la GMF, qu'on se parle et qu'on essaie de savoir où on en est. Donc je voudrais qu'on les rappelle, s'il vous plaît. Si vous voulez, Julien, moi, la seule information que j'ai eue de la GMF et de madame, en fait, c'est pas madame populaire puisqu'elle n'était pas joignable, c'est qu'un courrier avait été fait, la GMF a désigné un vétérinaire conseil. Exact. Ah ben voilà! Pour estimer ou pour... Non mais Alain, vous pouvez pas me dire j'ai rien reçu si vous me dites non, que vous avez reçu ça. Parce que c'est moi qui suis allé à la pêche aux informations. D'accord, mais vous avez quand même ça avancé, vous avez été à la pêche. Ok, vous êtes vexé parce qu'ils ne vous ont pas répondu, mais il y a quand même une procédure qui est lancée, Alain. Voilà, moi la question que je pose, je les ai appelés lundi. Alain, allez directement au fait. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Rappeler, on l'a toujours pas fait. Bon, vous voulez qu'ils vous rappellent. Voilà, où en est votre dossier? Alors, on va appeler la GMF hors antenne. S'il vous plaît, si quelqu'un de la GMF peut appeler le client qui ne comprend rien, qui a envie d'avoir du clair, un papier, lui faire un petit mail de synthèse, c'est ce qu'il demande aujourd'hui. Effectivement, parce que l'objectif, c'est le chiffrage du préjudice. Donc, si un expert a déjà regardé le dossier, tant mieux. Mais encore faut-il qu'il vous dise, effectivement, si votre demande est justifiée ou pas. Dans un premier temps, également, il pourrait vous verser une provision. Et apparemment, rien ne vous a été versé. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous les appelez hors antenne, là, à 10h37, et vous allez bien voir ce qu'on vous répond, et vous nous redites au mot près ce qu'ils vous répondent. D'accord ? On va voir s'ils vous parlent et s'ils vous disent où en est votre dossier, parce que c'est quand même votre dossier, vous payez une cotisation. Parfait. Ok ? Exactement. Allez, on y va, c'est parti, top. Bernard, vous vous occupez de tout ça. Okay, et nous retrouvons dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il y a encore beaucoup de dossiers. Louis, le paysagiste, peut-être du nouveau. Il y avait une réunion, rappelez-vous, avant-hier, on va savoir ce qui s'est dit lors de cette réunion. C'est bientôt l'été, vous rêvez de ça. Mais vous avez besoin d'une nouvelle machine à laver, alors vous n'aurez que ça. Avec Cdiscount, vous pouvez avoir les deux. Faites des économies et préparez vos valises. Destination solde chez Cdiscount. Jusqu'à 95% de remise sur plus de 3 millions d'articles. Cdiscount. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Solde du 22 juin au 3 août. Réduction maximale constatée sur une sélection de produits. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voir Renault.fr. Renaud nous parle de son livre comme un enfant perdu. J'ai enfin trouvé les mots pour dire ma vie, ma colère, mes souffrances. Ces mots, je les ai sur le cœur depuis tant d'années. Des livres sur Renaud, il y en a eu beaucoup. Mais un livre de Renaud, c'est la première fois. À tous ceux qui ont espéré mon retour, j'ai voulu dire l'homme que je suis, ma vérité. Comme un enfant perdu, un livre bouleversant. Un livre XO, numéro 1 des ventes. Le jeudi 30 et vendredi 1er juillet, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. La pastèque sans pépins catégorie 1 est au prix imbattable de 99 centimes d'euros la pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 99 centimes la pièce. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pastèque sans pépins catégorie 1 calibre 8, poids minimum 2 kg, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Tous les négociateurs sont en ligne. Nous allons avoir des retours sur tous les cas, notamment celui de la fosse septique du chien. Nous allons aussi avoir dans une seconde Louis paysagiste qui sera avec celle qui lui a vendu le parquet. C'était pas du parquet très exactement, des planchers en bois recomposés. Vous savez, il y avait eu toute une histoire, on y reviendra. Car ils se sont rencontrés, on va savoir exactement ce qui s'est passé sur l'antenne d'RTL. L'été approche, RTL est là. Votre émission, le 9h30-11h, sera là encore tout au long de la semaine prochaine. Et en direct, s'il vous plaît, pour traiter des cas inédits. Alors 3210 et Facebook, la page, ça peut vous arriver. Là, il est 10h41, mais pour le chanteur, il était beaucoup plus tôt. 5h du mat, j'ai des frissons, j'en claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précipice. Du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros. Crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires. Tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir. Une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à voir. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Légende, c'est manique. Décalcomanie. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylon qui filent sur le dodon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouer. Tant pis pour toi, il faut dormir. C'est quand même incroyable. Au moment où le chanteur dit « Mon Dieu, je peux même pas jouir », la pim, une alerte. Peut-être avez-vous la solution à son problème, Bernard Sabat. Excusez-moi. Non, c'est pas excusez-moi, mais je me mets à la place de l'auditeur. « Mon Dieu, je peux même pas jouir bon, ». Ping, je... alerte. Alors, nous avons la solution. Nous avons pu appeler. Non, on revient sur le cas, Julien. On revient sur le cas d'Alain. Oui. Alain et sa fosse septique. Alain nous dit « Mon chien est tombé dans une fosse septique qui n'a pas été refermée. La société qui n'a pas refermé la fosse septique m'a envoyé un courrier. C'est notre faute. Notre assurance va s'en occuper. L'assurance d'Alain, et non celle de la fosse septique, semble avoir fait des démarches, mais Alain nous dit « Je ne suis au courant de rien ». Alors, on a dit à Alain, écoute, parce que j'ai décidé de le tutoyer à un moment donné, écoute vieux, on s'appelle comme ça dans le métier, appelle-les hors antenne et on va bien voir s'ils te donnent des infos ou pas, puisque nous, on les a appelés, ils nous ont dit « Ah non, c'est en cours, il y a des procédures, on peut rien vous dire ». Et il a appelé, Bernard. Et oui, et il a appelé, j'étais à l'écoute, écoutez, Alain, voilà. Vous dire. Voilà, donc Julien, je viens d'appeler la GMF, le service sinistre. Je suis tombé sur un priori un standard où quelqu'un ne voulait pas me parler. Dès qu'on a mentionné la référence du dossier, eh bien, on m'a signifié que les dossiers sinistres étaient traités aujourd'hui 14h à 17h. Voilà, les dossiers sinistres sont traités que entre 14h voilà, et 17h. Donc vous allez rappeler entre 14h et 17h tout à l'heure. On s'occupera de ça. Et puis on va voir si on peut avancer sur ce dossier. Alors, chose importante, Julien, c'est le groupe Covéa, hein, qui regroupe évidemment beaucoup d'assurances, au moins trois des plus importantes. Donc le président, il faut qu'il regarde un petit peu le process de ses équipes. Et puis voilà, on va essayer d'avoir un responsable en urgence, peut-être. être chez Covéa. Mais on ne connaît pas, on connaît le nom du courtier qui gère la société, mais on ne connaît pas le nom de l'assureur. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est appeler la société. Bien sûr. Parce que c'est quand même eux qui sont responsables. Et c'est à eux de secouer le cocotier en disant à leur assurance, mes amis, il faut indemniser ce monsieur parce que je suis responsable. Parce que si on allait au tribunal, il assignerait la société, notre ami. Tout à fait. Non seulement cette société reconnaît sa responsabilité, mais elle pourra surtout nous communiquer les coordonnées de son assurance. Et vous essayez de m'avoir ça. Donc l'un appelle le responsable du groupe Covéa GMF et l'autre. Et là, vous appelez, s'il vous plaît, la société pour essayer de m'avoir le président de la société de la fosse septique. Sans problème. Pendant ce temps-là, dans une seconde, je vous l'ai promis, rappelez-vous, Louis est passé et voilà ce que Louis nous avait dit. Je suis paysagiste et j'ai commandé auprès d'une entreprise du plancher en bois recomposé. Mais sur les terrasses de mes clients, les lames de ce plancher se fendent. Depuis, l'entreprise n'a pas trop l'air de s'en soucier. Nous avions réussi à joindre la dame de l'entreprise. Ils se sont vus hier. Il y a eu débat et nous allons avoir le résultat de ce débat dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il est 10h47, passé le plus beau des vendredis RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-site.fr. À pied, à vélo ou en voiture, tous les chemins mènent au camping. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Camping 3. Je vous rappelle les basiques. Ré, ici, pas de drogue. No stupefiante. Franck Dubosc, Camping 3, une comédie de Fabien Otteniente. Alors, on n'attend pas Patrick. Actuellement au cinéma, avec RTL. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Ouba, hop! Tu t'es vu quand t'as lu? Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon frère. Boulébi. Les Schtroumpfs. C'est Schtroumpf, c'est Schtroumpf. Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Avril, tais-toi. Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. T'es vu quand t'as lu. En partenariat avec RTL. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi. 99€ par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Les bons plans au champ, c'est maintenant. C'est la pleine saison des pêches et des nectarines françaises. Et Sylvain en raffole. Ah oui, elles sont juteuses et délicatement parfumées. C'est le moment de les savourer. Ah oui, elles sont succulentes. Et en plus, jusqu'à demain chez Auchan, les pêches blanches et nectarines jaunes et blanches origine France sont à 1,69€ le kilo. Oui, 1,69€ seulement. Des fruits de saison à ce prix-là, rien que d'y penser, je me régale d'avance. Auchan, la vie que j'aime. Catégorie 1, calibre B, 61-67 mm. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Louis est en ligne avec nous sur l'antenne d'RTL. Louis, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors Louis, on rappelle que vous nous avez appelé, vous avez une entreprise qui vous avait vanté les mérites d'un plancher en bois recomposé, séduit par la présentation, vous aviez passé commande et après vous nous avez dit « mes clients se plaignent car il y aurait des taches sur la terrasse malgré un entretien régulier, etc. etc. » Nous avons appelé donc la société en question, on est au live, nous avons eu d'ailleurs je crois sa directrice, Madame Moulin, qui est en ligne avec nous et qui a dit « écoutez, nous on a des arguments aussi à faire valoir, donc je veux rencontrer ce monsieur, faire une réunion au sommet pour essayer de comprendre et de trouver une solution. Cette réunion a eu lieu il y a deux jours, je crois, Louis. Alors, je veux juste m'assurer que Madame Moulin est en ligne avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Madame Moulin, merci beaucoup. Vous jouez la transparence totale quand on vous appelait la première fois, encore aujourd'hui, et ça, j'apprécie. Ça veut dire que vous voulez que les problèmes soient résolus, mais en tout cas, que vous discutez avec vos clients. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, croyez-moi, ce n'est pas le cas de tout le monde. Qu'avez-vous décidé, Louis, s'il vous plaît? Ben, après discussion avec Madame Moulin, que je salue d'ailleurs, il a été entendu que dans un intérêt mutuel, je pouvais, il me remboursait la fourniture de la terrasse. D'accord. Madame Moulin, voulez-vous rajouter quelque chose ? Oui, en fait, Néolife est une jeune société. C'est une start-up spécialisée dans les matériaux écologiques pour la construction. Et il est évident que pour nous, il est plus qu'important aujourd'hui d'être aux côtés de nos clients, et notamment nos clients poseurs et professionnels, en l'occurrence Monsieur Argout. Et auprès de qui il faut qu'on dispense à la fois des conseils, un accompagnement technique, mais aussi une communication bien claire. C'est peut-être là-dessus, effectivement, qu'on peut se remettre en cause. Donc, on a trouvé, par volonté de progrès, effectivement, les moyens d'établir une vraie conciliation entre nous. On lui a proposé de reprendre nos lames. Et lui, de son côté, il a également fait un chemin qui était de reprendre à sa charge des frais de dépose et de pose. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Bravo. J'espère qu'on pourra même travailler dans l'avenir ensemble. Bien sûr. Et après, voilà, c'est juste un problème de communication sur l'entretien, de manière à ce que celui qui achète vos matériaux puisse, de son côté, dire au client qu'il va les vendre, comment les utiliser. Merci, voilà, madame. Exactement. C'est tout à l'honneur de Néolife. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, madame Moulin. Au revoir. Au revoir. Bon, Louis, tout est bien qui finit bien. Bravo d'avoir dialogué. Oui. Bravo d'avoir fait un petit pas également. Louis, je vous souhaite une belle journée. Oui, le mérite vous en revient grandement. Non, c'est vous. C'est jamais moi. Oh là, moi. je tiens quand même à saluer la disponibilité de Germain, hein, qui travaille dans vos équipes. Oh, bah vous savez, c'est sa dernière, Germain, en plus. Merci, Louis, merci beaucoup. Germain, c'est sa dernière. Il préfère aller travailler l'année prochaine avec des professionnels. C'est pas vrai. Il va donc chez Stéphane Bern. Il en a marre de la guignolade. Mais on est ravis qu'il aille chez Stéphane d'ailleurs. Mais on était surtout ravis de passer tout ce temps avec Germain, qui est vraiment. Gentil, moi aussi. Et la porte lui est grande ouverte, bien sûr. Bon, merci à vous, en tout cas, Louis. À bientôt. Infiniment. Et merci à Néolife. J'ai vraiment envie de remercier cette dame. Vous voyez, c'est pas facile. Je me mets à la place aussi des professionnels. On les appelle, ils peuvent se sentir vexés. On parle de moi sur l'antenne. On est juste là pour essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Et comme par hasard, quand ils se parlent, ça s'arrange. Cette dame l'a fait, a accepté. Et elle a tout mon respect, cette dame. Donc, je suis tout à fait prêt à enregistrer pour elle, gratuitement, un spot de publicité. La la la la la Néolife. La la la la la. C'est le nom de la boîte, hein. Néolife. Voilà. Vous voyez, j'ai fait quand même quelques petits spots dans l'année, hein. C'est sympa. Nous allons revenir sur la fosse sceptique dans une seconde, parce que vous auriez peut-être un coup du père François à faire, Bernard Sabat. C'est pas très élégant, mais j'ai pu obtenir quelque chose d'intéressant pour le dossier de la partie adverse. Je le ferai quand vous voulez. Eh bien. Allez, dans un an, vous ferez ça. Mais non. Allez-y, appelez. Vous avez un numéro de téléphone. Appelez-la, s'il vous plaît, en antenne pour lui demander si elle est disponible pour nous parler. Vous me faites une alerte. Dès que vous avez quelqu'un, on la basculera immédiatement sur l'antenne d'RTL où l'été est là. Un été avec plein de grandes Sophie sur les plages, plein de Nicolas Lee, plein de portes qui claquent. C'est l'extrait du nouvel album de la grande Sophie. On adore, hein. Ça, c'est vraiment un coup de cœur RTL. Cursing the milk of your skin will be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, des questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, que quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse, les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Au regard, au souvenir, je les dessine à la gouache. Quand qui ne savent plus revenir. Will you remember my hand? Curse in the milk of your skin. Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by, switch into the room where we find the lights. Draw a stand over my face, on your tongue, the sour taste. Just then time goes by, we look to the moon, nothing left behind. To hell, we are standing here, cause anyway, we never meet again. La grande Sophie, très bon titre sur RTL. J'aimerais qu'on revienne sur le chantier de solidarité. Myriam qui achète une maison, elle donne 18 000 euros à un artisan. Monsieur Michael Luisma qui prend les 18 000 euros et va la planter. Elle se retrouve à vivre dans des conditions insalubres. Sarah organise une solidarité. Les artisans nous rejoignent et nous donnons des petits coups de pouce à ces gens extraordinaires qui viennent avec du matériel simplement pour aider cette dame. Ils n'attendent rien en retour. Je voulais saluer celui qui est le responsable de fermeture E2F, Sébastien Félix. Bonjour monsieur Félix. Ah oui, bonjour Julien. Vous dirigez Fermeture E2F et vous êtes sur le chantier pour fournir des fenêtres, pour aider. Dites-nous. Tout à fait. Bah, je suis sur le chantier de Myriam. Et voilà, j'avais écouté l'émission et ça m'a touché. Donc j'avais envie de venir en aide à Myriam. Eh ben c'est super. Et c'est très voilà. Important les fenêtres. Je sais de quoi je parle. Non mais vraiment sur un chantier, c'est très très important. Et merci, je tiens à dire à Fermeture E2F. Voilà des gens qui ont du cœur. Ils sont à Fleur, 4210. À Feur, 4210, 15 rue René Cassin, c'est ça? C'est ça même. Merci E2F, merci Félix, Sébastien, bravo à vous, c'est fantastique. Bernard Hervé, en express, du nouveau sur les dossiers. Hervé, on commence par vous, prenez le micro s'il vous plaît. Alors, j'ai un responsable de Covea qui s'occupe du dossier, elle revient demain. Covea, je le rappelle, c'est le cas de la fosse sceptique, la grande patronne va nous parler. Et vous Bernard? Moi, je vais demander de m'occuper de la partie adverse, justement pour connaître le dossier. Caroline Jambou, je lui ai laissé un message, elle va revenir vers nous dès la semaine prochaine. Ça, c'est l'assureur de la fosse sceptique. Exactement. Bon, et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Bravo. Ah, je suis rassurée. Envie de confort, envie de choix, envie de grande marque, envie de mobilier made in France, envie de Topair. En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stainer, Duvivier, Burof, Stressless, Mustering, Léolux. Vous allez adorer. Espace Topair, Paris 15e, 3000 m² pour vos envies de canapés, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, métro Boussicaut, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Carrefour Market fête ses clients. Ça y est, on est en juillet. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter les vacances? Des promos qui sentent le soleil, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc à saisir d'urgence. Oh, le soleil, ça me donne envie de partir loin. On peut déjà aller jusqu'au potager, Michel. Jusqu'à demain chez Market, les tomates rondes en grappes sont à 99 centimes le kilo. Alors vous, je vous suivrai jusqu'au bout du jardin. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Catégorie 1, Origine France. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Et si on parlait Renault Service? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup ce mois-ci ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Au menu de l'amour charnel, je vais prendre l'entrée. Les préliminaires sont-ils aussi importants que l'acte sexuel? On fait monter le désir cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous, je vous le rappelle, pour le One Man Show. C'est vraiment les dernières. Le 27 juillet à Plan de la Tour. C'est le golf de Saint-Tropez. Vous étiez extraordinaire, Maître Nakovich. Merci, et vous aussi. L'avez toujours été. Merci aux deux négociateurs. Merci, Julien. Merci à toutes les équipes. C'est RTL. Stéphane Bern arrive. Il est 11h. Je l'aime à mourir. Il est 11h, c'est Céline Landreau maintenant pour les informations. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Plus de sacs plastiques à usage unique en caisse, plus de vieilles voitures et motos à Paris. Une série de mesures entre en vigueur ce vendredi 1er juillet. Les véhicules immatriculés avant 97 et les deux roues immatriculées avant 99 sont bannis de la capitale en semaine de 8h à 20h. Les premiers contrôles policiers pour faire appliquer la mesure ont déjà commencé ce matin. Les fraudeurs risquent une amende de 35 euros cette année, contravention qui sera plus élevé dès l'an prochain. Autre changement, le prix du gaz qui prend 0,4% et les allocations logement rabotées pour quelques 80 000 foyers. Les 100 ans de la bataille de la Somme commémorée aujourd'hui à Thiepval, la famille royale britannique est attendue sur place à midi, tout comme le Premier ministre David Cameron et le président français François Hollande. La bataille la plus meurtrière de la Grande Guerre a fait 1 200 000 victimes, morts, blessés ou disparus. Un responsable des Restos du Cœur de Montreuil en Seine-Saint-Denis blessé ce matin par arme blanche par deux personnes qui ont pris la fuite dans la rue où se trouvent les locaux du Restos du Cœur. Un couple armé d'une hache et d'un couteau selon la victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé. Nicolas Sarkozy, mieux placé dans la primaire à droite si les électeurs sont moins nombreux. C'est le résultat du baromètre TNS Sofres One Point pour RTL, Le Figaro et LCI. L'ancien président fait quasiment jeu égal avec Alain Juppé auprès de l'électorat de droite, sûr d'aller voter. 36% pour Nicolas Sarkozy contre 40% pour Alain Juppé. Mais si on ne prend en compte que les Républicains, là, le résultat s'inverse. Le président du parti est en tête à 40% contre 34% pour Alain Juppé. Qui de la Belgique ou du Pays de Galles affrontera le Portugal en demi-finale de l'Euro? Deuxième quart ce soir entre les Diables Rouges et les Gallois à Lille. Ce sera à vivre, bien sûr, sur RTL. RTL grand soir d'Euro dès 20h. Hier soir, les Portugais ont arraché leur ticket lors des tirs au but face aux Polonais. Un partout à la fin des prolongations. Ils seront 198 demain au départ depuis le Mont-Saint-Michel. Le Tour de France va s'élancer pour 3 semaines de course. Et la grande boucle est au cœur de la question du jour. À votre avis, un Français peut-il gagner cette année? Vous pouvez déjà voter sur notre site rtl.fr et composer le 32-10 dès midi. La météo, encore beaucoup de nuages sur la moitié nord-ouest du pays aujourd'hui avec des petites pluies au nord de la Loire. Des éclaircies vont revenir tout de même en Bretagne cet après-midi. Au sud, du soleil, les températures de 17 à 34 degrés du nord-ouest au sud-est. Il fera 22 à Paris. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses à Vincennes et en nocturne ce soir. Bernard Glass vous propose de jouer le 11, le 13, le 7, l'As, le 18, le 6, le 5 et le 3. 11, 13, 7, As, 18, 6, 5 et 3. Sa dernière minute, c'est le 6, Super Fez. Il est 11h03, vous écoutez RTL. Et tout de suite, vous retrouvez Stéphane Bern pour À la bonne heure. Merci beaucoup Céline Landreau. Vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Nous voici dans À la bonne heure avec notre invitée. C'est Marina Foïs, notre invitée. On va parler. Elle est irréprochable, vous allez le constater tout au long de cette émission. On ne le croit pas, c'est bizarre. Je vais vous présenter mes petits camarades. Alors, vous avez tourné Irréprochable dans la région de Nantes. Eh bien, nous aussi, nous allons quitter Paris avec Adeline François. Elle nous donne des nouvelles de nos chères provinces dans C'est arrivé près de chez vous. Et je vous emmènerai au championnat de France de barbecue. J'adore. Ah oui. On rêvait d'y aller. Ah oui, et vous avez tout fait, toutes les disciplines, tout. Les légumes, la chocolata, viande, le porc, le bœuf, ah le oui. poisson, super. Les légumes. Ah bah ça nous passionne. C'est des spécialisations. Bel enchaînement, dites donc. Et oui. Maintenant, on qui non, c'est pas dans l'ordre. Là, toute ça. L'actualité de l'été. J'ai mon rythme. Oui, excusez-moi. Oui, c'est bien. Toute l'actualité de l'été, ce qui se passera pendant les mois de juillet et d'août, vous ne le savez pas encore, mais lui, eh bien, il vous le révélera. Ah c'est bon Régis Maillot et ses maillots. Eh bien, il va se passer beaucoup de choses cet été. Non, j'ai quelques courriers d'auditeurs pour cette dernière émission de l'année, donc je vais essayer d'y répondre pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine et peut-être cet été aussi. Très bien, c'est la dernière émission dans ce format. Bien sûr, nous serons là, mais avec les meilleurs morceaux.